Je lègue à la mer un château de sable, un ruisseau creusé à même une fable. Comme les cités de pierre, il devra se défaire. Je laisse aux humains l'espoir, la justice. Sont seuls à vouloir ou croire qu'elle existe. Je lègue à l'arbre un aigle. Je lègue à l'ange un rêve. Je suis chevalier, je lègue au rocher un soupçon de vie. Je ne suis pas fait de pierre. Je veux bien me défaire. Je lègue à l'orage un aigle perché, un rêve, une fable, un ruisseau creusé, un château de sable, un ruisseau creusé, un château de sable.